faire pour allumer une cigarette. Pas d'étincelle dans les cendres de l'hiver dernier. Laurence Durel va dans les îles, c'était pour lui essentiel. Herman Melville a connu des cannibales, je ne vais même pas au bal. Moi je n'écris que sur la ville. Herman Melville. Moi je n'écris que sur la ville. Herman Melville. Et un petit peu sur elle, et même George Orwell. La guerre et les nazis a déjà tenu un fusil. Un café avec Hemingway m'aurait donné ce que j'espérais. Il a vu les fauves d'Afrique, a sûrement pris des coups de trique. On dit de lui qu'il s'est suicidé, et moi, si déjà je vivais. Moi je n'écris que sur la ville. Herman Melville. Moi je n'écris que sur la ville. Herman Melville. Et un petit peu sur elle, elle, elle. Et toi, toi t'as déjà pris la mer. Tout comme Laurence Durel et ses citrons amers. Ma vie t'en pense, quoi, dis-moi Laurence. À raconter les mêmes histoires que toujours sa foire. Quand je n'écris que sur la ville. Et jamais sur les îles. Quand je n'écris que sur la ville. Et jamais sur les îles. Oh oh, Laurence, était-ce de la chance? Oh oh, Laurence, était-ce de la chance? Je ne suis pas Laurence.